Chapitre 13. L'un ou l'autre. Les quelques mots que Marguerite était parvenue à déchiffrer sur le papier à moitié consumé semblaient être à la lettre les paroles du destin. « Partirai moi-même demain. » Elle avait facilement lu cette phrase. Une grosse tache, causée par la fumée de la chandelle, effaçait les lignes suivantes. Mais tout en bas de la feuille, il y avait une autre phrase qui maintenant lui dansait devant les yeux, aussi claire et aussi distincte que si elle avait été écrite en lettres de feu. « Si vous désirez encore me parler, serez dans la salle du souper à une heure précise. » Le tout était signé du petit emblème, rapidement griffonné, la fleurette en forme d'étoile qui lui était devenue familière. Une heure précise. Il était maintenant près de 11 heures, on dansait le dernier menuet. Sir Andrew Fulce et la belle Lady Blakeney dirigeaient les couples dans ces diverses figures, si gracieuses et si compliquées. Près de 11 heures. Sur la console de bronze doré, les aiguilles de la jolie pendule Louis XV paraissaient avancer avec une rapidité folle. 2 heures de plus et son sort et celui d'Armand seraient fixés. En 2 heures, elle devait décider si elle conserverait pour elle ce qu'elle avait appris avec tant de ruse, si elle abandonnerait son frère à son sort, ou si, de propos délibérés, elle trahirait cet homme courageux qui dévouait sa vie à ses semblables, cet homme si généreux et qui, par-dessus tout, n'était pas sur ses gardes. Cela lui paraissait une action horrible. Mais il y avait Armand. Armand, lui aussi, était noble, brave, et lui non plus n'était pas sur ses gardes. Armand l'aimait. Volontiers, il lui aurait confié sa vie. Elle pouvait l'arracher à la mort, et elle hésitait. Oh, c'était affreux! Elle voyait les yeux de son frère, si doux, si bon, si plein d'affection pour elle, la regardèrent avec reproche. « Tu aurais pu sauver ma vie, Margot, » semblait-il lui dire, « et tu as préféré celle d'un étranger, d'un homme que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais vu, et tu n'as pas voulu le compromettre, tandis que tu m'envoyais à la guillotine. » Toutes les pensées contradictoires arrivaient en foule dans l'esprit de Marguerite, pendant que, le sourire aux lèvres, elle glissait à travers le gracieux dédale du menuet. Elle remarqua, avec ce sens aigu qui lui était particulier, qu'elle avait réussi à calmer toutes les craintes de Sir Andrew. Elle était absolument maîtresse d'elle-même à ce moment, et pendant tout le menuet, elle joua son rôle avec plus de perfection qu'elle n'avait jamais fait sur les planches de la Comédie française. Mais alors, la vie d'un frère bien-aimé ne dépendait pas de ses talents de comédienne. Elle était trop intelligente pour exagérer son rôle et ne fit plus aucune allusion au soi-disant billet doux qui avait provoqué chez Sir Andrew cette angoisse de 5 minutes. Elle se rendait compte de la façon dont la frayeur de son cavalier s'évanouissait sous l'influence de son rire radieux, et bientôt elle s'aperçut que, quelques doutes qui fussent sur le moment venus à l'esprit du jeune homme, elle avait réussi à les dissiper complètement. Il ne se rendit pas compte de l'agitation fébrile dans laquelle était Marguerite. Il ne vit pas l'effort que lui coûtait le ton léger de cette causerie banale. À la fin du menuet, elle pria Sir Andrew de la conduire dans le salon voisin. « J'ai promis à son Altesse royale de souper avec elle, » dit-elle. « Mais avant de nous séparer, dites-moi, me pardonnez-vous ? » ?»« Vous pardonnez ?» Oui, avouez que vous venez d'avoir peur. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas une Anglaise et que je ne considère pas un billet doux comme un crime et je vous jure que je n'en parlerai pas à ma petite Suzanne. Dites-moi, aurai-je le plaisir de vous recevoir à ma fête champêtre mercredi prochain ? Je ne puis vous le promettre, Lady Blakeney, répliqua-t-il évasivement. Il est possible que je sois amenée à quitter Londres demain. « À votre place, je ne partirai pas, » fit-elle, sérieuse tout à coup. Puis, pour dissiper l'expression d'anxiété qui réapparaissait dans les yeux de son interlocuteur, elle ajouta gaiement « Il n'y a personne qui sache faire une partie de boule comme vous, Sir Andrew. Vous ne manqueriez tant au boulingrin. » Il l'avait conduite à travers le salon, vers une pièce écartée où Son Altesse Royale était la première au rendez-vous. « Le souper nous attend, madame, » dit le prince en offrant son bras à Marguerite. Je suis plein de confiance. La déesse de la fortune m'a regardé au jeu avec tant de courroux que je puis affronter sans peur les divins sourires de la beauté. Votre Altesse a été malheureuse aux cartes ? Questionna Marguerite en prenant le bras du prince. Ah oui, terriblement malheureux. Il ne suffit pas à Blakeney d'être le plus riche des sujets de mon père, il lui faut encore avoir la chance la plus outrageuse. À propos, où est donc cet esprit incomparable ? Je vous assure, madame, que cette vie ne serait qu'un désert lugubre si l'on y rencontrait l'oasis de votre sourire et de ses plaisanteries.